c'est mes mémoires. 46 gigas dans le cerveau. C'est mes mémoires, 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. C'est mes mémoires, 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Je ne prends pas les gens de haut, car je ne suis pas plus grand. Je suis dans le game et je taffe mes soins à 100%. Y'a plus de coups durs. Dis pas que la vie c'est une pute, parce que tous mes potes c'est des yens, je les confonds potes et putes. J'ai laissé du sang sur mes mains, comme les conneries sur mon chemin. Je suis pas un garçon sage, ça se voit au pull sur mon bulletin. Plein de rêves dans la tête, la fac je me la suis appropriée. C'est le bordel dans ma tête, t'étonnes pas que dans ma chambre y'a pas de propreté. J'ai vu mes proches partir les uns après les autres. J'ai vu une échelle très longue pour pouvoir monter là-haut et pouvoir les retrouver. Ouais, j'aimerais trop. Pour l'instant, je suis vivant et je vends tout en me croc. On me disait que j'arriverais pas, même papa me l'a dit. Je crois en moi comme toujours, je crache plus sur la police. C'est vrai que c'est que des paroles, tu vas me dire, y'a pas de dream du moment que c'est certifié ou authentique. 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. C'est mes mémoires, 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. J'ai grandi normalement, pas comme tous mes potes. Seigneur, pardonne-moi et mes potes pour toutes deux nos fautes. Je ferme ma gueule à chaque embrouille comme une poucave porte de la muette. Je regrette les larmes sur les joues de ma mère, c'est vrai. J'avoue, je préfère écouter des sons qu'en écrire. Mon passé me suit, je donne même pas de refrain. Je donnerai toute ma vie aux filles jusqu'au jour où je serai papa. Mais mémoire, 46 gigas dans le cerveau. Pas besoin de me regarder dans un miroir pour savoir ce que je vaux. Dénigré par les profs, les surveillants et l'administration. Mauvais élève en classe, pourtant en stage c'est pas la même chose. Je me demande tant de choses, c'est Koïla et Charlie ne l'est plus. Sur terre est un délice, depuis que je suis en enfer j'y goûte plus. Perdu le fil de la vie dans une motte de foin. Dur de choisir les vrais amis, avenir incertain. J'ai besoin de personne pour avancer. C'est moi, bro, 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. C'est mes mémoires, 46 gigas dans le cerveau. Les souvenirs me hantent jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. J'ai besoin de personne pour avancer, pour viser le sommet. Je suis le seul de mes potes et encore son padre, sa madre. Les autres sont divorcés, Charlie écoute pas les autres. Écoute juste les profs qui te tournent pas le dos et qui disent de garder la tête haute. Genre d'un conseil de classe et je vois bien qu'ils veulent me le tirer du bas. Ça me fait plus rien depuis que j'ai touché le fond. Gravé dans la roche, plutôt gravé sur mes bras. C'est qu'on restera au plus bas. Ok, okay. Maintenant je me relève, tu reprends ses, je suis la relève. Je prends glaive et je me barre avec, j'ai peur de la mort. Donc que Dieu me préserve. C'est quoi, je présente mon flow en chair et en os, toujours à 100%. Je ferai jamais de faute. De quoi parler, j'ai pas, j'ai du mal à m'exprimer. Bref, écoute, c'est authentique et certifié.